Chapitre 3. Qui serait entré inopinément dans le salon de Westminster Lodge à 9 heures du soir aurait eu peine à se persuader qu'il se trouvait à près de 2 000 lieues de Regent Street ou de Piccadilly. Même disposition, même mobilier, mêmes objets d'art achetés au musée de Kensington. Certes, Sir William, dans ses pérégrinations à travers la péninsule hindoustanique, avait réuni une admirable collection de chefs-d'œuvre, de statues, de bouddhas, d'objets aux formes originales, aux ciselures uniques. Mais toutes ces merveilles étaient groupées dans une galerie construite dans le parc et dont le haut escalier était gardé par 2 énormes raksasas, les fameux sentinelles du seuil mystique. Mais cet hindouisme, pour si intéressant que le tint Sir William, n'empiétait pas sur le home. Le vrai patriotisme, et aussi la persistance des habitudes, voulait que l'intérieur de la famille portât toujours et uniquement le cachet anglais. Les serviteurs eux-mêmes avaient l'allure correcte des Jones de Londres. Les servantes étaient irlandaises. Le plateau à thé, les tasses, les ustensiles de vermeil, les sièges, les tapis, la garniture de cheminée. Car il y avait même une cheminée, engin bien ignoré des vrais hindous. Tout cela était anglais, pur anglais, rien qu'anglais. En entrant dans le parloir, Sir William se redressait légèrement et marchait raide, comme s'il eût suivi le speaker de la Chambre des communes. Lady William se campait comme un drawing-room de Sa Majesté. Les enfants se plaçaient en rang, par ordre d'âge, et attendaient qu'on leur adressât la parole. Il est vrai que ce soir-là, cependant, l'ordre britannique était quelque peu dérangé. Quand Lucien était seul, il s'adaptait volontiers ou plutôt à son insu à ses façons si peu françaises. Mais il avait amené Pierre, et le brave ethnographe, malgré son smoking et son bon vouloir, avait peine à se défendre de son laisser-aller tout français. Quelques efforts qu'il fit, le Parisien reprenait le dessus et peu à peu son influence pénétrante, réchauffante, dégelait les glaçons. Et quand Sir William entra, cachant ses préoccupations sous ses allures encore plus guindées qu'à l'ordinaire, il vit bien qu'il n'était pas au diapason. On causait. Curieuse d'un pays qu'elle aimait et dont la vie lui plaisait, Lady William ne s'était pas fait faute d'interroger le nouveau venu, reconnu du premier coup pour un ami puisqu'il était introduit par Lucien. Pierre était assez bavard. Lucien n'était pas indemne du même défaut qui, appliqué avec modération et bon goût, devient une qualité, et Sir William, tout surpris, tomba en pleine dissertation sur le théâtre, sur la littérature, sur l'art français, sujet dont les étrangers et surtout les étrangères ont toujours la curiosité friande. Cependant, à l'entrée du chef de famille, une accalmie s'était faite, et Lucien avait profité pour présenter son ami, s'excusant d'une indiscrétion qu'il savait pardonner d'avance. Un vigoureux shake-hand à l'adresse de Pierre Carré ratifia le bien fondé de cette espérance, et quelques minutes étaient à peine écoulées que le président de la IB, etc., avait reconnu en son visiteur un adepte de la haute science et qu'une conversation nouvelle s'était engagée, très documentée, très intéressante, et que les enfants écoutaient, les yeux ronds et grands ouverts, tandis que Lady William, un peu dépitée que la causerie eût été accaparée par d'aussi graves sujets, esquissait une légère moue en cherchant le moyen de la faire dévier de nouveau sur ses questions favorites, l'art et la poésie. Lady William avait une 40aine d'années. Peut-être, dans toute la fraîcheur de la jeunesse, avait-elle été réellement jolie. Mais actuellement, la fâcheuse coupe rose, si fatale aux beautés britanniques, s'était attaquée à ses joues et même au bout de son nez. Mais elle était restée poétique, idyllique, romantique et soupirait volontiers au piano les mélodies de Thomas Moore ou les romances de Sims Reeves. Mais il y a des grâces d'État. Voici que Pierre, montant sur un de ses dadas favoris, expliquait à Sir William que les races dites inférieures ou sauvages étaient les occupants antérieurs de la terre, que les Indiens appartenaient à la race rouge, dont le mélange avec la race noire avait produit la race bistrée, arabe ou hindoue. Et la preuve, s'écria-t-il, c'est que dans la musique arabe nous retrouvons des motifs qui existent dans les musiques de pure origine indienne. Musique. Ce mot avait frappé l'oreille de Lady William, qui n'avait garde de le laisser échapper. Elle battit des mains. « Oh, monsieur Lucien » s'écria-t-elle, « priez, suppliez votre ami de faire sa démonstration au piano. « Vous jouez du piano, n'est-ce pas ? » ajouta-t-elle, avec une certaine inquiétude en se tournant vers Pierre. « Sans être un virtuose, répondit-il, ou un improvisateur comme mon ami Lucien, je puis m'en tirer tout de même. Du reste, il lui suffira d'avoir entendu le thème une fois pour qu'il sache lui donner toute sa valeur. « Ce que je vais vous esquisser, dit-il, a été noté par moi chez les frères Touhidi, société musulmane qui prêche l'anéantissement en Allah, sorte de théorie du nirvana, d'un état de béatitude qu'on ne peut atteindre que par les rites sanglants et les mutilations, volontaires ou non. Or, un hindou que je rencontre à Bagdad m'affirma que ce chant lui était parfaitement connu et servait, me dit-il sans vouloir s'expliquer davantage, d'accompagnement rituel à certains mystères effrayants et même sanglants des religions primitives de l'Inde centrale. « Bien, bien. Le thème, dites-nous le thème !» répéta Lady William. Un piano à queue, sphinx menaçant, était accroupi dans un angle. L'aîné des Lewis, sur un signe de sa mère, entr'ouvrit ses mâchoires aux dents noires et blanches. Pierre n'était pas homme à se faire prier. Un piano n'était qu'un outil comme un autre dont il usait pour traduire sa pensée. Donc il s'assit et posa ses mains sur l'instrument, les yeux levés, cherchant à retrouver dans sa mémoire le rythme exact des sons entendus, et peu à peu, le chant s'enchaîna. C'était une sorte de mélopée sourde, lourde, accentuée de notes aiguës, d'abord monotone et presque fatigante. Puis, peu à peu, la mesure se pressait, le rythme s'accentuait, des notes rauques, des discordances passaient comme des menaces, comme des cris qui retentissaient dans la poitrine, dans le cerveau de l'auditeur. Pendant toute cette soirée, Riyasanda était resté immobile, enveloppé de son châle rouge, blottie dans un rocking chair et comme indifférente à ce qui se passait autour d'elle. D'abord, Lady William l'avait amicalement interrogée, craignant que la jeune fille fût indisposée. Mais Ria, tressaillant comme si elle sortait d'un rêve, s'était refusée à toute réponse précise et n'éprouvait aucune souffrance, un peu d'engourdissement seulement, que le sommeil de la nuit dissiperait bien vite. D'ordinaire, dès que le jeune Français apparaissait, ses tristesses qui étaient fréquentes disparaissaient subitement. Elle l'écoutait avec une attention soutenue, souriant de ces plaisanteries parisiennes que le plus souvent elle ne comprenait qu'à demi, conservant cependant toujours cette immobilité quasi hiératique qui est la caractéristique des femmes hindoues. Toute sa vie semblait fixée dans ses yeux, dans le pli de sa lèvre, dans la grâce plus accentuée de sa pose d'idole. Mais ce soir, contre toutes ses habitudes, elle restait obstinément voilée, n'avait même pas répondu au salut tout affable que Lucien lui avait adressé. Certes, si la joie d'avoir auprès de lui son ami Pierre ne l'eût absorbé tout entier, il se serait efforcé de fondre cette glace, de galvaniser ce marbre sous lequel battait un cœur de femme. Quelque dépit se mêlait-il à un entêtement capricieux de la jeune hindoue, toujours est-il qu'entraîné par la conversation à la fois spirituelle et documentaire des deux amis, tous l'avaient pour ainsi dire oublié. Mais voici que Pierre s'était mis au piano, et après quelques tâtonnements, la mélodie bizarre avait résonné. Lucien, qui en avait bien vite saisi le caractère, était venu s'asseoir auprès de son ami et soutenait habilement le rythme et l'accompagnement. Et tandis que l'attention était concentrée sur les deux virtuoses, tandis que Sir William, sa femme, ses enfants étaient en quelque sorte hypnotisés par cette musique bizarre et troublante, dont involontairement leur buste et leur tête suivaient la mesure, lentement, Riyasanda s'est élevée, drapée dans sa tunique rouge. Elle s'était dressée tout entière, élevant au-dessus de sa tête ses admirables bras où étincelaient des bracelets, puis peu à peu, ses pieds s'étaient agités sur le tapis, sa poitrine avait haleté, tandis que ses hanches, d'un mouvement à peine perceptible et qui restait pudique, roulaient sous l'étoffe tendue. Au moment où, sous les doigts des pianistes, le rythme s'était nerveusement accentué, elle avait commencé à tourner sur elle-même, la tête penchée en arrière, les yeux vagues. Les pieds avaient agi plus vite, et maintenant elle girait, presque sans changer de place, frémissant tout entière, comme secouée de légères commotions nerveuses. La musique s'était faite plus âpre. Elle avait pris ce mouvement de cauchemar que connaissent bien tous ceux qui ont assisté aux exercices magnétisants des derviches de Soutari. Riyasanda, comme saisi dans un tourbillon, tournait plus vite. Soudain, un grand cri retentit, et la jeune hindoue, les cheveux dénoués, les yeux fous, s'écria « Le dieu rouge Manuk Soro, il est là, il m'entraîne, j'ai peur !» Sa main à sa gorge, comme si des doigts de fer l'eussent tout à coup saisi, et avec une sorte de râle, s'affaissa sur le tapis. Lucien s'était élancé vers elle, et la saisissant dans ses bras. « Sanda, qu'y a-t-il ? Quoi, cette maudite musique vous a fait du mal ?» Lady William s'empressait autour d'elle. Les domestiques appelés accouraient. « Conduisez-la dans sa chambre, » dit Sir William. « Donnez-lui tous les soins nécessaires et surtout, entendez-moi bien, qu'elle ne reste pas seule une minute, pas une seconde. » La jeune fille inanimée, raidie comme dans une crise cataleptique, fut emportée. Les trois hommes restaient seuls. Lucien se désespérait. « En vérité, c'est notre faute. Cette musique a évidemment évoqué en elle de sinistres souvenirs. »« Chut !» dit Sir William. « Écoutez !» Ils tendirent l'oreille. Alors ils perçurent un son lointain, étouffé, qui venait du dehors. C'était, répété par le démon des ténèbres, l'air joué tout à l'heure. « Le chant du dieu rouge !» dit Sir William. « Ah oui, vous aviez raison !» ajouta-t-il en s'adressant à Pierre. « Il y a entre ces sectateurs de la mort, entre ces adorateurs des dieux sanglants, des liens qui, d'un bout de la terre à l'autre, les rattachent à une même chaîne. Ainsi, ce chant que j'ai entendu au fond de l'Afrique, chez deux fanatiques sectateurs d'Allah, est le chant de mort des Koundes. Ce chant, souvent déjà la pauvre Ria l'a entendu, alors que, prisonnière de ses bourreaux, elle attendait la mort certaine à la suite d'épouvantables tortures. Je vous ai raconté comment il m'avait été donné de la délivrer, de l'arracher à ces misérables tueurs, comment enfin, admise dans ma famille, partageant les jeux de mes enfants, peu à peu, j'avais pu la soustraire à la hantise des souvenirs funèbres du Gundabar. Mais ces souvenirs vivent toujours en elle, et vous les avez réveillés. Ce n'est pas tout. Prêtez-moi, messieurs, toute votre attention. » Sir William, baissant la voix, raconta les révélations qui lui avaient été faites par son fidèle serviteur Rajil, comment des Koundes avaient été vus rôdant aux environs, s'étaient même introduits dans la propriété. Ces hommes, continua-t-il, et surtout ces panous, recruteurs de victimes pour le dieu rouge, sont des êtres dangereux entre tous. Je vous le dis, quand ils ont choisi une proie, ils n'y renoncent jamais, et au service de leur acharnement, ils mettent l'étonnante expérience de leur ruse et de leur ténacité. Et ne comprenez-vous pas qu'ils ont l'audace de nous défier? Ce chant de mort, qui dans l'ombre répond à votre musique, c'est une menace. » À ces mots, les deux amis s'étaient regardés. Une même pensée leur venait à tous deux, rattachant ces explications à l'attaque dont tout à l'heure Lucien avait failli devenir la victime. « Mais pourquoi, dès les premières mesures, s'écria Lucien, ne nous avez-vous pas arrêtés ? Parce que je voulais tenter cette épreuve, parce que je voulais savoir si Ria resterait enfin indifférente à ces appels effroyables. Hélas, j'ai pu me convaincre du contraire. Et elle est bien restée quand même, la Myria, la fiancée du dieu rouge. Et qui sait si elle ne se fut pas laissée entraîner à courir d'elle-même vers ses bourreaux ? Que dites-vous ? Elle a peur, elle a horreur de ces bandits. Peur, oui, je le crois. Horreur, qui sait ? Voyez-vous, jeunes gens, vous êtes de grands savants. Et vous n'ignorez rien des langues et des coutumes de ce pays. Mais il faut avoir vécu de longues années, toute une vie peut-être au milieu de cette race mystérieuse et muette, pour connaître, et non encore jusqu'au tuf, l'âme orientale, l'âme hindoue. Chaque année, les Koundes, qui élèvent avec bienveillance les jeunes gens et les jeunes filles qu'ils destinent au sacrifice, s'amènent à la fête sinistre du dieu rouge, et là, ces pauvres êtres, qui connaissent leur avenir, se prosternent devant l'infâme idole, faite de pierres brutes, et quand, agonise, écrasée, déchiquetée, l'holocauste dont le sacrifice vient de s'accomplir, du sang qui jaillit des blessures pantelantes, il marque, d'une barre en plein visage, ceux et celles qu'attendent le même sort. Ria a été ainsi marquée 6 fois. Elle avait été enlevée à ses parents, ou vendue par eux, je ne sais pas exactement, à l'âge de 8 ans. Je l'ai délivrée à 14 ans. Elle en a 18 aujourd'hui. Eh bien, elle sent encore sur son visage la trace chaude du sang dont elle a été marquée. Que de fois je l'ai surprise, portant la main à son front, brusquement, comme si elle y ressentait une brûlure. l'antique superstition la tient encore. Elle croit à la fatalité, elle croit à la puissance invincible du dieu rouge qui reprend toujours ses fiancés. « Mais c'est horrible !» s'écria Lucien. « Quoi ? Cette jeune fille si belle, si adorable, trouverait la mort dans des scènes de boucherie sauvage ?»« Je ferai tout pour la défendre, » dit Sir William, « et contre ses ennemis et contre elle-même. Mais le danger est imminent. Les panneaux rôdent autour du bungalow. Les démons, pareils aux cobras, se glissent partout, invisibles et inentendus. J'ai donné des ordres. La surveillance la plus étroite sera exercée, moi-même je veillerai, le revolver au poing. » « Et nous veillerons avec vous !» s'écrièrent les deux jeunes gens. « Mais ces misérables n'oseront pas se hasarder jusqu'ici. Puissiez-vous dire vrai ? Mais il convient de ne pas nous abandonner un seul instant à une fausse sécurité. Radjil veillera à la porte de Ria. Ses hommes sont placés en sentinelle tout le long de la galerie. Je vais aller m'en assurer. Vous, puisque vous voulez bien m'aider dans cette tâche difficile, restez dans cette pièce. Voici, ajouta-t-il en ouvrant un meuble admirablement ciselé, voici des armes et des munitions. Prenez tout ce qui vous est nécessaire, ayez les yeux ouverts et l'oreille au guet. Et si l'ennemi apparaît, n'hésitez pas, comme je n'hésiterai pas moi-même. Je me suis juré de sauver Ria, je tiendrai mon serment. Et nous vous jurons, dit Lucien avec exaltation, qu'on ne parviendra jusqu'à cette jeune fille que sur nos cadavres. Sir William leur serra les mains en souriant. Français que vous êtes, il importe d'abord que vous ne mouriez pas, car il se peut que le bungalow ait besoin de tous ses défenseurs. Allons, je vous souhaite bonne et paisible veillée. Moi, je serai au-dessus de ce salon, dans ma chambre, et soyez tranquille. Un vieil habitant de l'Inde comme moi ne se laisse jamais surprendre. Comptez sur nous, dirent à la fois Lucien et Pierre. Et après de derniers vigoureux shake-hand, il sortit, laissant seuls les deux amis.